sans choisir, et cependant sans rien dire. Gloire à toi qui as gardé un morceau de liberté que personne n'a pu t'arracher, pour lequel tu es tombé et pour lequel aujourd'hui. Aujourd'hui.